siècles plus tricard que je connais si peu nier. Trop longtemps resté la main tendue à mendier le bien. Vu que leur seul souhait est qu'ils squattent la tête, on te jette en bébé quand ils souhaitent faire une fac de lettres. Bizarre comme les diplômes se ressemblent dans le ghetto. Bonhomme, t'as le crâne calciné par le pseudo. Ou quoi, en quel camp tu veux être, hein? Avec ceux qui empruntent sans dette ou ceux qui disent du cognac dans une Bugatti. C'est plus un mystère, les stars ici sont ceux qui visent bien. Je te parle pas d'études, mais de toi, connard. Si ton avenir est un livre, dommage pour l'encyclopédie que c'est. Que les dernières pages soient les cages d'escalier. Et comme dans le hall, faut que tu palpes. On calcule la valeur qui saute à l'œil, celui qui a le plus de sap. Mais en vrai, on n'a pas de cash et peu de gens le savent. Car c'est l'illusion dans le même camp. Et c'est chacun son camp. Chacun son camp, chacun son camp. La vie c'est chacun son camp. Chacun son camp, chacun son camp. Dis-moi que c'est faux. C'est chacun son camp, chacun ses bancs. Vas-y, dis-moi que c'est pas chacun son camp, chacun son camp. C'est pas moi qui ai voulu, mais c'est chacun son camp. Le monde est rond, mais se divise en continents. Qui se divise en pays, se divise en nombre d'hommes, se divise en camp. Définir son camp, une réponse au conflit. Maintenant tu connais la limite à pas franchir pour pas comprendre. Trop de conflits sont une question de camp. Et quand est-ce que tu te casses du coin que j'ai choisi de te prendre? Difficile partage à coups de missile là-bas, ici carnage ou couteau. Pour le haut qui vend mieux le shit, j'ai des amis dans chaque race. Ça n'empêche pas les Renois et les Rebeux de se patater pour un terrain de foot. À ce niveau-là, ça va encore, mais quand y'a un mort, bonjour les épisodes d'un feuilleton long comme Côte Ouest. Je me proclame l'élu qui rit mon nom des exclus, surpris de subir la vie et de presque plus en pleurer. Je parle pour ceux qui pleurent des larmes rouges, d'avoir pris les armes, prouvant qu'on n'est pas du même camp. Et c'est chacun son camp, chacun son camp, chacun son camp. La vie c'est chacun son camp, chacun son camp, chacun son camp. Dis-moi que c'est faux, c'est chacun son camp, chacun ses bancs. Vas-y, dis-moi que c'est pas chacun son camp, chacun son camp. C'est pas moi qui ai voulu, mais c'est chacun son camp. La couleur peau n'est qu'une raison pour haïr un homme. Remarque mon homme, ils sont des autres causes chrome. Bon, ça va. Il n'y a que l'argent qui efface les différences, tout le monde le sait, c'est con, mais c'est vrai. De Times Square à Pont de Sèvres, les couples mixtes connaissent mon speech. Ou quand se marier devient le même dream que Martin Luther King. On veut pas d'elle ici, c'est pas du même pays. Sois pas d'aïe, Adélaïde, ta famille agit aussi ainsi. Un métis ne symbolise la paix qu'après sa venue au monde. Heureusement que l'amour se moque de la honte. Attendre tes 8 piges pour entendre des gens demander. À ton teint qui sème la confusion dans quel camp t'es. Car c'est chacun son camp qu'on se dit. C'est comme ça que c'est jamais dit quand on bloque tes accès. Alors est-ce que t'aimes mon rap? Aime mon rap. Sinon choisis ton camp et ne te trompe pas. Ouais mec, j'suis peut-être pas dans le bon camp. Mais j'suis plus sûr que toi mec. Si tu t'es trompé t'es quel mec? Moi c'est Oxmo, tu vois. J'en ai rien à foutre que tu viens mec. Moi j'ai grandi dans le 19. Mon clan c'est un bon black mafia pour les ignares. Au début personne nous aimait à Paris mec. Je sais que tu me cracheras dessus quand j'aurai plus la côte mec. Mais j'en ai rien à foutre en 1998 et ainsi de suite.